Patricia Baliboum, Cheche Cheryl, Yaraba Kotoyoko, Gima Koda Brad Pitt, Tandassier. Une fois de plus, ma retombée n'a même rêve. Et pourtant, cette fois-ci, la canaque n'a salé moins fort. Y'a quoi soucier, basta l'anzambé, question de plus de te tenir. On a soué soukaya, kosalanga ma bête. Une fois ma sola, n'a retombé na même rêve. Et pourtant, cette fois-ci, la canaque n'a salé moins fort. Y'a quoi soucier, basta l'anzambé, question de plus de te tenir. On a soué soukaya, kosalanga ma bête. Mena bitoni, sokin sa me yeme, moto chona ma boko ya kovo. Eska se trompa ki, na mi yo ke li ma wo. Boli mo don kwele festi soki, tout ale ma, ke na mo. Omo ni siko yo nemo komo salamai. Soki yo sate na mesa na soko koli ya te. Soki na moni yo te na soko kolala, E bolingo bambo, bambo. Soki arrive nga na peli bongo e. E kozala sena mapokwa, masola e. Ye moto atirikli, fosona nga ya kokanisa e. Aperti beba resona moto na nga e. Na bolingo na ye ye, temu e. Aba caprice na ye aba fritu moi. Je ne peux pas, je ne peux plus. So qui est de ces quatre nana kioleo. Ma kala moto na ma pokwa chukel. Ye moto a dirigli fa sola na ya kokanisa e. Aperti beba resona moto na ngai. Na bolingo na ye ya temu e. Na ba caprice na ye ba frejo. Moi je ne peux plus. Fabrice est mon lao. Yako kare senga, yako bini sanga ye. Yako kare senga ye. Blandine litumba. Pourquoi te fumo la portona? J'avais commis problème. So se moko te le kilo. Le mono ne lengi. Yako shipi Kama sutra. Mita harmoni. Gisele bevoseo. Dak la japonaise. Ani inga mweleo. Gipsi yo kenge. Pourquoi tu fumes la portona? J'avais commis problème. So c'est mon côté le kilo, le long, non, le lingui. MC c'est Balondo, Alexis Balondo, yeah. Charles Tabou, système à petit garde, Charles Tabou, Lema Bobidi, Elvis et Sugar, Pati Bokanga, Jean-Jacques Elone, Gilles Siombele, Mabelo ya Kilombo. Didier Fouanzo, Serrado Mazikwe, Moro Mandiangu, Fils Kinkela. Yako kare sengai, Pajo Matuba. Yako bini sangai, Fischer Kouar. Akodo Masomwe. Yako bini sangai, Yako kare sengai. Gima Lubanga. Bienvenue Mambo Teo. Yako kare sengai. Souve sala ki tango to sala ki osolo lae. Pembeni moto sala ki te kakami. Balo bakambire sala karamatui. Ifa la ki pibe pisa yango. Il fallait qu'il piba, puis ça t'a mon sous-sac au son guise, malobaya bolingo. Yako kare senga, yakobinisanga ye pourquoi bofungola poto na jabe komi problème sose moko telekila le mono nelingi yakoshipi kama sutra shipe maya e bodis malto polidor lofaka e lelo akustikite Ali minene Shabani rekora belelina Kinshasa eh Shabani rekora belelina Nkinyo Mo continue na kinoel ngoya eh Quand je chanterai comme je pleure Je pleurerai comme je chante Na kebe tabani ngona sima pa ya ba kebe chante ma Pour moi solo passer mon temps papa caprice Na luki na na musika te Na luki bembeni Na luki na na musika te Jenny play na Londres Na luki na na musika te Ode chibambi Bona le mae Si devais pas cher comme ça Fallait me dire chérie L'amour est une force Tu ne peux pas combattre chérie Tu es mon cœur, mon âme, mon air, mon char Je t'aime à la folio Shabarabala, pas shabarabala Eh, shabarabala, pas shabarabala Shabarabala, shabarabala Yako kare sengaye Yako piri sangaye Hey, hey.